En novembre 42, moi j'avais 4 ans, je le vois encore. Ma mère m'avait mis debout sur la table et elle avait une écuelle, puis elle me lavait. Il y a quelqu'un qui a frappé à la porte, elle est partie voir, c'était le garde qui est venu. Et puis le garde, il a demandé à ma mère, elle avait son frère qui habitait deux maisons au-dessus, d'aller chercher son frère. Et moi je suis resté pendant ce temps-là avec le garde qui m'a pris sur ses genoux. Bah, et puis voilà, c'est comme ça que ma mère a appris l'accident mortel de mon père. Quoi. Le garde n'était pas seulement un oiseau de mauvais augure. C'était l'œil et les oreilles des mines. Il savait tout, sur tout le monde et en toutes circonstances. Mais du garde, on sait peu de choses. Personnage clé de l'univers minier, il s'est savamment tenu à l'écart des appareils photo et des caméras. Ces images de garde, paradant dans les rues de Béthune, sont parmi les rares traces de ces hommes en noir, longtemps confondus avec des policiers. Des gardes des mines, il en existe déjà au temps de Germinal au XIXe siècle. Dès l'origine de l'extraction, les compagnies minières privées cherchent à encadrer et à surveiller les mineurs. Mais en 1944, toutes ces compagnies sont nationalisées. L'État exploite lui-même les houillères dans l'intérêt exclusif de la nation et non au profit de particuliers. Pour y parvenir, il prend possession de toutes les installations nécessaires. Le vieux rêve de la mine aux mineurs semble se réaliser et toutes ces formes de surveillance paraissent vouées à disparaître. Et pourtant, c'est au contraire après la nationalisation que cette surveillance devient un système, spécifiquement dans le Nord. Comment les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, une entreprise d'État, ont-elles pu développer une véritable police privée en plein cœur des Trente Glorieuses et sans que cela suscite ni protestation ni révolte? Pour remonter le fil de cet étrange système entre milices et barbouzes, nous avons rouvert les archives du centre historique minier de Leeward. Livre d'effectifs et répartition sectorielle, nom et matricule des gardes, procès-verbaux de surveillance syndicale et politique. Loin de l'image d'Épinal des gueules noires, ces documents inédits permettent d'esquisser une contre-histoire du monde minier, plus ambiguë, moins glorieuse. Ce regard neuf sur un vieux mythe pose des questions très contemporaines en termes de gestion des mouvements sociaux, de terrorisme, de bases de données et de surveillance des populations. Bienvenue dans la mémoire secrète des houillères nationalisées. L'œil est un vieil pio toute jeune, il n'est point gai le vieux mineur. Une fichelle artien smaronne et chat n'annonce point le bonheur. Il demeure avec Osphil chez l'île qui soigne les enfants. Il touille le soupe au-dessus le grill, un bertonnant tins un temps. Il s'embête et chale tracasse. Il ne peut plus sarcler saint gardin. Quand elle, pauvre vieux, y s'abasse, Eustiette, elle tourne comme un moulin. Bien, bonsoir. Nous sommes ici à la Cinémathèque, invités par la Cinémathèque, dans le cadre de la projection du film réalisé par Richard Berthollet et Marion Fontaine, qui s'appelle « Sous l'œil des houillères ». Donc nous avons fait une projection cet après-midi, nous allons en refaire une autre ce soir. Et donc nous allons leur poser un certain nombre de questions sur la genèse de ce film, les conditions, les obstacles, les difficultés, etc. Et d'autre part, on en profitera aussi s'il nous reste un petit peu de temps pour poser des questions plus particulières à Marion sur son travail d'historienne. Richard, tu veux parler le premier ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bah, le film, un film comme ça, c'est du travail, c'est beaucoup de travail. C'est une dizaine d'années, alors pas tous les jours, hein, bien sûr, mais entre le moment où on a trouvé les archives et où on les a lus, on les a fouillés, on a essayé de comprendre cette histoire. Et le moment où le film s'est tourné, il s'est écoulé une dizaine d'années. Pour une raison assez simple, c'est qu'il y avait un vide documentaire sur la question. La question des gardes n'avait pas été jusqu'à présent, en tout cas dans cette ampleur-là, documentée. Et donc du coup, pour revenir sur la trouvaille, les trouvailles, puisque je travaillais à l'époque sur un projet de film sur le Racing Club de Lens, et je fouillais les archives, dans les archives du Centre historique Miguel de Ward. Et c'est dans ces conditions-là que j'ai découvert, sans le faire exprès, en cherchant quelque chose d'autre, un premier document qui s'appelait donc Le Memento, et à partir duquel le film est construit, et qui donc racontait par le menu, sur une centaine de pages, l'organisation de la surveillance et du rôle qui était attribué aux gardes. Et donc il y avait toute une partie que moi je ne connaissais pas, sur la triple mission du garde, c'est-à-dire notamment celle spécifique sur le renseignement. Et puis le lendemain, je suis tombé sur d'autres boîtes, sans le faire exprès aussi, et puis ces autres boîtes, c'était cette fois-ci des procès-verbaux de surveillance. Donc je me suis retrouvé finalement au bout de quelques jours avec d'un côté un texte qui expliquait comment on surveillait, avec une série de procès-verbaux qui expliquaient qui on surveillait et comment ça se passait. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Incidemment. Et donc c'est là où effectivement Marion rentre en scène, puisque donc du coup bah, sur ce vide là il n'y avait pas de bouquin, il n'y a rien donc sur lequel lesquels se reposer, trouver une explication. Donc c'est des documents que j'ai transmis à Marion, et puis bah, au fil de ces années il a fallu donc les lire, et c'est là où Marion a travaillé, déterminé, a remonté le fil de cette police privée, parce qu'en fait c'est de ça dont il s'agit. Oui, merci. Bah, Richard a dit l'essentiel. Je vais seulement souligner deux aspects. La première, c'est que le processus il s'est noué pour ce documentaire de manière un petit peu différente de ce qui peut se produire d'habitude. C'est-à-dire qu'il faut bien que je le reconnaisse, c'est d'abord Richard qui a fait le travail d'historien. C'est-à-dire c'est lui qui a exhumé les archives et c'est lui qui en a vu le premier l'intérêt. Donc ça d'abord c'est intéressant parce que ça prouve que même si les rôles évidemment, et on l'a bien vu en travaillant ensemble pendant toutes ces années, les rôles de l'historien et du réalisateur de documentaires ne sont pas les mêmes, on manie pas les mêmes outils, j'ai plutôt l'habitude de manier les mots, lui plutôt les images, c'est là qu'on voit effectivement que les identités elles peuvent aussi à certains moments non pas se confondre mais adopter un petit peu la position de l'autre et faire en sorte effectivement de trouver d'autres choses. Donc ça, c'est le premier aspect. Le second aspect sur lequel, mais ça, Richard l'avait dit tout de suite, c'est sur lequel on est tombé assez vite d'accord et qui faisait l'intérêt à la fois de ces archives et de ce sujet, c'est que, effectivement, c'était un sujet à la fois omniprésent, c'est-à-dire que tout le monde savait dans le bassin du Nord qu'il y avait eu des gardes, et vous interrogiez les gens qui connaissaient un peu l'histoire du bassin minier, ces personnages tout le monde les connaissait. En même temps, personne ne s'y était jamais vraiment penché, peut-être parce que justement ils avaient un peu trop l'allure de l'évidence et du déjà connu et du déjà vu. Même l'archiviste du centre historique minier de Leeward a fini par dire oui, effectivement maintenant que vous me le dites, je trouve que c'est un sujet très intéressant, mais je ne m'étais jamais posé la question. Alors même que, pour prendre un exemple qui remonte à la période avant laquelle on a travaillé, toute une série de sources, de, non pas de graffitis, mais de tracts dont on dispose concernant la grande grève qui suit la catastrophe minière de Courrières en 1906, ont en fait été récupérés par des gardes. Donc les gardes ont à la fois produit des archives, mais sont aussi ceux par lesquels un certain nombre d'archives, notamment liées à la surveillance des mouvements ouvriers, nous sont arrivées. Donc l'intérêt aussi de la démarche, c'est que sur ce sujet, c'était un sujet présent, mais en même temps sur lequel il n'y avait rien, enfin, ni dans les documentaires, ni sur le plan de la science historique, il n'y avait pas eu de travaux. Et l'aspect que je trouve aussi très intéressant, c'est que ce documentaire, ça n'est pas l'illustration d'un livre ou d'une thèse ou d'une analyse qui aurait été préexistante. C'est-à-dire que là, pour le coup, le documentaire est véritablement notre œuvre de recherche historique à tous les deux. C'est-à-dire que ce documentaire, pour finir, remplace ou initie des travaux de recherche, alors qui ensuite pourront se poursuivre sous la forme d'articles, de livres. Mais là, on a véritablement un documentaire qui a cet aspect très original d'être une recherche en lui-même. Et alors, vous avez fait allusion, justement, à la période. Et je crois que c'est important, parce que vous insistez beaucoup dans le film sur le fait qu'on est dans le contexte de la nationalisation. Donc, ça surprend d'abord les spectateurs de voir que la mine nationalisée a pu se comporter comme la mine privée, voire pire. Et puis deuxièmement, il y a le contexte effectivement de la grève de 48 et de cette surveillance qui est mise en place. Donc il faudrait peut-être nous expliquer un petit peu plus sur ce sujet. Il faut bien voir, ça on aura peut-être l'occasion d'en discuter, il n'y a pas de garde où ce genre de système n'existe pas, pour commencer, dans tous les bassins miniers. Mmh. Alors, dans le Nord-Pas-de-Calais sur lequel on a commencé, ce système des gardes, il existe en réalité dès la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'à partir du moment, en fait, où les compagnies minières construisent des logements, elles paient des individus pour surveiller ces logements et, pendant qu'elles y sont, pour surveiller les mineurs. Effectivement, ça n'est pas, enfin, dans les représentations qu'on peut se faire des compagnies privées, ça n'est pas forcément très étonnant que ces compagnies privées aient disposé de ce genre d'appareils de surveillance. C'est plus étonnant de la part d'une entreprise nationalisée, surtout quand on sait les espoirs non seulement économiques mais aussi démocratiques et sociaux qui avaient été mis par les mineurs eux-mêmes dans la nationalisation. Tout ça peut s'expliquer par la période extrêmement complexe qui commence en 1944, au début de la nationalisation, et qui s'achève en 1949. Au départ, la question, c'est peut-être, enfin, on n'a pas de traces précises, mais elle a dû se poser. Il n'était pas forcément prévu de garder, voire et ni même de systématiser ces gardes. Tout ça est combiné dans la grande remise en cause des politiques paternalistes qui suit les premiers mois de la nationalisation. Sauf que arrive d'abord la bataille du charbon et son injonction de continuer à discipliner la main-d'œuvre, et surtout à partir de 1947-1948, la grande peur des communistes qu'éprouvent les dirigeants des houillères nationalisées, avec l'idée que, enfin, pas seulement les dirigeants des houillères nationalisées d'ailleurs, une bonne partie des élites au pouvoir éprouve la même, la grande peur que ces communistes soient une force de subversion et dans le cadre d'une entreprise dont il faut bien rappeler qu'elle a l'importance que pourrait avoir EDF aujourd'hui. Il faut imaginer qu'on craint que des traîtres ou des espions, comme on les nomme, soient à la tête d'une entreprise comme EDF. Donc de là, le fait que non seulement on supprime on ne supprime pas les gardes, mais on en fait, à partir de 48-49, un service systématisé. J'ose dire que ce qui va s'appeler, à partir de 48-49, le service de surveillance du bassin, il est produit non pas de la part démocratique et sociale de la nationalisation, mais pour finir de sa part démocratique et organisationnelle, c'est-à-dire que les houillères nationalisées reprennent quelque chose des compagnies minières, mais en font une espèce de service beaucoup plus systématique, beaucoup plus bureaucratique, où, au moins au départ et dans les 30 premières années, la fonction de surveillance politique est désormais presque, enfin d'ailleurs pas presque, est désormais explicitement assumée. Donc c'est cette espèce de retournement qui se produit en 47-48 et cette volonté de restauration de l'ordre au sein des houillères nationalisées qui explique que non seulement ces gardes ne soient pas... ne disparaissent pas, mais au contraire deviennent un service à part entière et parfaitement reconnu dans l'organigramme des houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais. Les dirigeants des houillères ne s'en cachent absolument pas. Alors il y a une volonté de discipliner la classe ouvrière, de rediscipliner la classe ouvrière, et l'autre aspect de ce travail des gardes qui est montré dans le film, c'est la surveillance du territoire aussi, les parcours qui sont des gardes dans les cités. Ils rentrent même dans les maisons. Enfin bon, est-ce que vous pouvez un petit peu, Richard, développer cet aspect-là ? Oui, parce qu'en fait, le garde, il a bien sûr la fonction de renseignement, donc politisé, comme vient de le dire Marion, mais il est là au quotidien. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Et je pense que le film, là-dessus, apporte aussi un regard assez intéressant sur ce que produit la surveillance. C'est qu'en fait, c'est un personnage lambda. Il est au coin de la rue, il est là, il est tout le temps ici, il vient changer une ampoule dans une maison. Donc quand il ouvre la porte et qu'il change, bon, bah, il sait s'il y a une télévision ou pas, s'il y a deux enfants, s'il y a trois, s'il y a des mélanges de populations intérieures, extérieures au bassin minier, enfin, l'entreprise, etc. Donc il fabrique lui-même, il est là tout le temps et personne ne se doute, en fait. Il est fondu dans le paysage. Il est fondu, il est là, il est au centre de tout. Et d'une certaine manière, les gens l'ont regretté. Le film le montre bien. Oui, hein, c'est qu'à la fin, il y a une sorte de regret. Oui, c'est bon, la nostalgie joue, bien sûr, mais il avait une fonction aussi sociale, de paix de voisinage. De lien social. Et tout ça, ça fabrique des environnements et des chapes de plomb où les gens finissent par se balancer les uns les autres pour avoir un petit peu plus, espérer telle ou telle chose, parce que le garde est tellement central que c'est lui, finalement, qui permet d'avoir un meilleur logement quand on a un deuxième enfant, un troisième. Donc, en fait, tout est lié, si vous voulez. Le renseignement, c'est aussi ce qu'on appelle la partie... c'est un régisseur de quartier. Donc, il a cette fonction-là. Il est à la fois agent de renseignement et à la fois régisseur de quartier. Donc, il s'occupe des petites affaires courantes et en même temps de la paix dans la cité. Il y a un historien qui parle de l'îlotage, même. Il dit que oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et justement, pour revenir sur ces gardes, est-ce qu'on sait un peu le mode de recrutement ? Est-ce que c'était des mains d'œuvre spécifiques, des anciens qui avaient été blessés, par exemple, qu'on mettait sur le tapis, ou pour des idées politiques, des choses comme ça ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Là, il y a clairement plusieurs périodes. C'est-à-dire que... dans les premières décennies, on va dire jusqu'au début des années 70, c'est une population spécifique dont j'ai envie de dire qu'on la recrute pour ses compétences particulières. C'est essentiellement une population d'anciens militaires et d'anciens gendarmes. Avec de manière assez intéressante un certain nombre, on a un beau témoin dans le film, un certain nombre de militaires de la coloniale recrutés pour gérer les populations indigènes. Donc là, pour le coup, c'est des militaires qui ont 10, 20 ans de carrière et qu'on recrute et en se disant qu'ils vont transférer leurs compétences initiales dans la gestion des populations minières. Un certain nombre de témoins nous ont dit, alors c'est toujours difficile de s'appuyer, que les gardes de cette époque ont, pour une partie d'entre eux, la réputation d'être quand même particulièrement brutaux, enfin d'avoir une gestion là proprement militarisée de la population minière. À partir des années 70, pour des raisons qui tiennent à l'évolution de la population, à la fermeture des puits et à l'évolution des houillères elles-mêmes, le recrutement change considérablement. C'est-à-dire que désormais, on fait appel à d'anciens porions, d'anciens contremaîtres, si vous voulez, d'anciens ouvriers du fond, mais en général plutôt un peu montés en grade, et qui, en fait, trouvent là une espèce d'emploi de transition entre leur remontée au fond et le moment où ils peuvent toucher leur retraite et partir dans des conditions qui sont celles de la fin de l'exploitation minière. Donc là, vous avez plutôt une population d'anciens... d'anciens mineurs. Alors, en général, quand même, je pense que le critère rentrait un petit peu en cause pour leur docilité ou le respect de la hiérarchie. Pour le dire autrement et de manière plus brutale, il est rare qu'un mineur communiste ou de la CGT devienne garde des mines. Enfin, je pense que le cas a très peu dû se présenter, mais c'est plutôt des gens qui témoignent, enfin qui suivent effectivement, enfin qui sont dans une logique de fidélité ou d'ascension ou d'insertion en tous les cas dans l'institution minière. Dans la discussion que nous avons eue pendant la soirée en présence de Marion Fontaine et de Richard Berthelet, les gardes des mines ont souvent fait penser aux spectateurs à l'image du garde champêtre. Écoutons le chanteur Perchico chanter la ronde du garde champêtre. Au soir d'été, la lune apparaissait, maître Paco, le vieux garde champêtre, après dîner de table se levait, mettait sa plaque et boutonnait sa guêtre. Or, ça dit-il d'un air malicieux, si j'allais faire une petite ronde, gare aux filous et gare aux amoureux, qui deux à deux vont dans la nuit profonde. Il partit à travers le Saint-Foin, mais l'on s'en méfiait peut-être, car la lune éclairait au loin le bicorne du garde champêtre. Car la lune éclairait au loin le bicorne du garde champêtre. Hier au Suzon, tous deux ayant 16 ans, s'en revenaient après une veillée. Quittant la route, ils marchaient dans les champs, où s'égaraient sous la verte feuillée. Mais s'ils trouvaient au bord des grands chemins, quelques pommiers tendant sa ramure, ils le secouaient et les méchants gamins croquaient la pomme avant qu'elle soit mûre. Mais côte d'Argénon de Saint-Foin, mais l'on s'en méfiait peut-être, car la lune éclairait au loin le vicomte du garde champêtre. Ces figures d'autorité, on a pu dire cet après-midi, notamment les chercheurs du Grémos ont pu nous dire que dans le bassin stéphanois, ces figures étaient présentes, par contre beaucoup plus discrètes. On retrouve par contre ces anciens militaires à la retraite dans les foyers de travailleurs, qui ne sont pas les foyers Sonacotra chez nous, qui sont les foyers Aralis, mais chaque gardien dans les années 50-60 de ces foyers Aralis sont des anciens d'Algérie en particulier, qui savaient manier l'indigène, avec tous les guillemets qu'il faut mettre à la scène. Nous, ce qui a pu nous impressionner à la vision du film, c'est ces uniformes. C'est quasiment des uniformes de gendarmerie, en armes. Est-ce qu'ils étaient au quotidien en armes à voir. Mais ça veut dire que dans le bassin, la police nationale n'est pas présente. Est-ce qu'ils font office de police nationale? Alors, deux choses. Bon, l'uniforme, c'est quelque chose que... J'ai envie de dire les houillères, pas seulement les houillères d'ailleurs, aiment bien, donc leurs musiciens ont des uniformes, etc. C'est pas forcément le fait le plus révélateur. Sur le partage des rôles et sur le rapport évidemment à l'exercice de l'ordre et l'exercice de la violence mine légitime, qui sont en principe, là pour le coup, des prérogatives de l'État dans un État républicain, enfin d'ailleurs dans un État, ça n'est pas aux entreprises de faire régner l'ordre. Alors sur la question des armes, il peut arriver qu'ils emportent quand ils convoient des fonds, et notamment les salaires des mineurs. Mais non, ils n'emportent pas systématiquement. Donc, c'est quand même pas une... Enfin, ils n'ont pas le droit de porter des armes quand ils se promènent dans les cités. C'est, ils ont le droit de porter une arme, mais dans des circonstances très particulières. Ils ont des ports d'armes. Ils ont des ports d'armes, mais pour des circonstances extrêmement particulières, ils se promènent pas avec leurs armes dans les cités. Enfin, ça peut jouer dans le rapport aux populations, quand même. Ça peut... Enfin, les populations, à mon avis, les voient rarement. Avec leurs pistolets, c'est parce que les gardes eux-mêmes disent, et je ne vois pas pourquoi ils mentiraient sur ce point, qu'ils les portent très rarement. Sur le rapport avec la police nationale, alors justement, c'est assez intéressant, s'il y a une frontière, les gardes, enfin, on le voit bien par exemple, mais Richard connaît ce sujet mieux que moi, on le voit bien sur certains épisodes de crise, comme la guerre d'Algérie, mais on peut le voir aussi au quotidien. Les gardes ont effectivement, c'est plutôt des fonctions de garde champêtre, mais à partir du moment où ils peuvent pas mettre quelqu'un en prison. Ils doivent aller porter plainte, ils vont porter plainte à la gendarmerie. Quand il y a des crimes ou des délits graves, ça n'est évidemment pas, je sais pas moi, un assassinat, ça n'est évidemment pas les gardes, ce ne sont pas les gardes qui interviennent. Là, pour le coup, c'est la police ou plus fréquemment à l'époque la gendarmerie. Donc il y a une espèce de partage des rôles. L'État ne disparaît pas. Mais pour tout ce qui est, j'ai envie de dire, ordre du quotidien, ce sont les gardes champêtres, ce sont les gardes. Pour tout ce qui est crime, délit, là, pour le coup, la gendarmerie revient dans son rôle. Oui, alors il y a un moment où un garde, d'abord j'aurais voulu vous demander s'ils ont accepté volontiers de témoigner, et puis il y a un moment où il y a un garde, mais vous répondrez après, il y a un moment où il y a un garde qui dit que souvent, ils attrapaient les gamins pour leur dire, pour dire aux parents, il fait des conneries, etc., etc. Alors c'est vrai que ça se rapproche, moi qui ai vécu dans un village quand j'étais gamin, ça se rapproche du rôle du garde champêtre. Et du coup, il y a une certaine nostalgie. En même temps, on se dit, ça manque aujourd'hui dans les cités. Enfin, il y a ce discours qui apparaît à la fin du film. Qu'est-ce que vous en avez Alors, sur la première question, oui. Ça n'a pas été si simple. En fait, c'est assez surprenant. C'est qu'en fait il reste pas grand monde en fait comme garde. Les gardes sont dans le film sont des personnes qui ont 80 ans révolus. Bon voilà, puis comme disait Marion, c'est la dernière génération. Donc eux-mêmes avaient déjà porté un regard très critique sur les gardes quand ils étaient mineurs, parce que faut pas oublier qu'un porion très souvent ça a d'abord été un mineur. Oui. Donc ils ont une connaissance du fond et de la camaraderie au sens de l'entraide qui est quand même un peu spécifique à ce milieu-là. Donc ils avaient, d'ailleurs c'est eux qui en parlent le mieux, hein. C'est les gardes d'aujourd'hui, ceux qu'on a filmé aujourd'hui, qui nous parlent le mieux des gardes d'hier, en disant un peu quel genre de sale type ça pouvait être, et toutes ces histoires avec les femmes, qui est un moment intéressant dans le film, hein, où effectivement la femme est une interface qui permet d'obtenir des avantages à travers son corps. Oui. Bon, après, sur la question de ce que ça a été facile. Ça a été facile, oui, parce qu'on est aujourd'hui. Mais en même temps, les premiers coups de fil qu'on a passé pour obtenir des entretiens, les gens sont estomaqués au téléphone. C'est tout de suite, écoutez, je sais pas, il faudrait peut-être parler à mon supérieur. Donc nous sommes en 2017, 2016, il n'y a plus de supérieur. Et donc l'un des intervenants dans le film me dit, bah, écoutez, moi je peux pas, il faut que vous passiez un coup de fil à telle personne. Donc je passe, je prends le numéro, enfin je prends le nom. Il me dit, il habite dans un village pas très loin, donc je cherche les coordonnées, j'appelle. Et là, je tombe sur une dame qui me dit, bah, écoutez, je ne peux pas vous le passer parce qu'en fait, il est disparu il y a un mois. Donc, elle était en deuil. Donc, bon, là, c'est moi qui suis un peu estomaqué. Je m'excuse de passer ce genre de coup de fil. Et puis, donc, je rappelle la première personne pour lui dire, bah, écoutez, je suis désolé, mais votre supérieur, il ne peut plus me parler. Bon, bah, s'il ne peut plus vous parler, je veux bien peut-être vous parler. Donc, nous sommes partis avec Marion voir cette personne-là, qui a un rôle important dans le film, parce que c'est lui qui nous explique aussi par le menu à quel point c'était sophistiqué. Et que moi, je trouve que c'est ça le plus intéressant là-dedans, c'est que c'est extrêmement sophistiqué. En fait, les ramifications, les transferts, les informations, la circulation des infos, moi, c'est ça qui m'a le plus intéressé. Au-delà du pistolet qu'il y a ou qu'il n'y a pas, effectivement, il y avait quand il y avait les transports de fonds, mais ils l'ont très vite abandonné. Moi, ce qui m'a le plus fasciné, c'est à quel point un personnage qui est au coin du café, qui boit un coup avec vous et qui vous a changé l'ampoule, peut renseigner dans votre dos si vous avez trompé votre femme, si vous avez voté rouge ou pas assez rouge ou trop rose. Et c'est ça, moi, je trouve le plus intéressant de ce que raconte le film. Voilà. Est-ce que le film aurait pu être fait avant 1992 ? Non, pas Là, la réponse est très claire. Non, parce que pour la raison que Richard vient bien expliquer, c'est-à-dire qu'on est dans un système hiérarchique, ça c'est aussi un effet extrêmement impressionnant, hein, un système hiérarchique dont les souvenirs et les traces se perpétuent plus de 20 ans, on est quasiment 25 ans après, enfin presque 30 ans, la fermeture de la dernière mine. Donc ça veut dire à quel point on est aussi dans des rapports hiérarchiques extrêmement importants. Non, Sally Weir qui ont toujours, en plus... C'est pas du tout une entreprise communicante moderne. En ce sens-là, les Weir ont le culte, qu'il s'agisse des catastrophes du reste, les Weir ont le culte du secret. Avec cet argument que de toute façon, les mines, ça sont des affaires de techniciens et de gens qui connaissent les mines, et que tous les autres sont des profanes qui n'y connaissent rien et qui n'ont rien à y voir. Donc non, je pense que les Weir auraient tout simplement refusé... D'abord, il aurait fallu avoir l'autorisation... Je pense qu'on aurait interrogé des gens encore actifs. Donc, et là, à mon avis, les autorisations auraient été refusées. Pas méchamment, mais sans répondre à nos demandes. Je vais juste intervenir juste une chose, c'est que c'est très important. Du coup, ce film s'est fait avec Marion, qui est historienne, et je pense que c'est très très important, parce que quand on les rencontre, ces personnes-là, c'est important qu'elles aient en face d'elles des gens qui vont avoir une distance avec le sujet et qui vont être la garantie de traiter correctement leur témoignage. Parce que, alors voilà, ça n'a pas été plus dur que ça, mais quand même, il y a une barrière, et cette barrière, elle est tombée, bon, parce que le temps a fait son œuvre, mais aussi parce que Marion est là, et que du coup, c'est aussi la garantie qu'on ne va pas en faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, je pense que le film, c'est un des reproches qui nous a été fait personnellement 2-3 fois, vous êtes quand même vachement sympa avec les gardes. Et moi, je ne trouve pas qu'on soit sympa, je trouve qu'on est objectif, ce qui n'est pas exactement la même chose. Juste pour revenir, ça me rappelle les gardes qu'il pouvait y avoir sur les usines de sidérurgie dans le bassin stéphanois, où on sait que c'était tous des anciens militaires, hein, qui étaient mis pour être gardes dans les usines du bassin stéphanois. Donc on retrouve quand même ce système. C'est vrai que c'est plus embêtant dans la mesure où, comme c'est une entreprise nationalisée, ça peut poser problème. Moi, je voulais juste revenir rapidement sur... J'ai l'impression qu'on est dans du clientélisme un petit peu aussi avec ce service d'ordre. Donc vous avez dit qu'ils étaient là aussi pour aider la population, mais quels pouvaient être les rapports de force à l'intérieur, justement, avec ces personnes-là ? Est-ce qu'on a écho de rapports de force, ou est-ce que de l'ordre de mouvement de lutte, il y a pu avoir des règlements de compte ou des choses comme ça ? Ah bah oui, bon, d'abord il y a des formes de... Alors aujourd'hui on appellerait ça clientélisme, corruption, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier que ce qui différencie à mon avis ce système d'autres systèmes, parce que des gardes, enfin qu'on pense à la mort de Pierre Auvernet, etc., enfin des milices privées dans les usines, les Weir n'en ont pas l'apanage. En revanche, la singularité, c'est que ces gardes sont attachés au logement. Donc ils ont une fonction extrêmement importante dans le système minier, qui est que c'est sur leur rapport que l'on attribue les logements. D'où, évidemment, un jeu de pression, d'intervention, etc., diverses et variées, d'où des formes aujourd'hui qu'on qualifierait de... Enfin, effectivement, des femmes qui disent explicitement que... Je ne sais pas jusqu'à quel point, jusqu'à, dans quelle proportion, mais effectivement, que la solution était d'aller coucher avec le garde pour avoir un meilleur logement. C'est, alors, de l'argent, je ne sais pas, les mineurs ne sont pas quand même des populations extrêmement aisées, mais il y a évidemment... les gardes détiennent un pouvoir qui n'est pas simplement celui que leur confèrent les houillères, mais qui est celui d'attribuer les logements, qui est un pouvoir absolument fondamental, comme le pouvoir de retirer les logements. En fait... Moi, je voudrais effectivement reparler de tout ce que vous avez dit par rapport à ce contrôle territorial. Et ces logements, au début du film, on voit bien, avec une espèce de mouvement de la caméra au niveau des sommets des chevalements, on voit bien comment la cité est complètement isolée autour du... Enfin, c'est un isolat. Au milieu de la campagne, il n'y a rien d'autre. J'ai vu des photos à Lens, de Lens, je crois, du bassin de Lens, où carrément, il y a même certaines cités étaient fermées par des grilles. Photo de Ronis, justement, qui montre ça. Donc, c'est quand même aussi une micro-société où les délations, ça circule beaucoup. Alors, à l'échelle d'une cité, il y avait combien de gardes à peu près pour par habitant ? Est-ce qu'on a une idée un peu de... Je ne sais pas si on l'a gardé dans le film. Je crois qu'il dit qu'il a 3000 logements. Ça représente un garde pour 3000 logements. Alors, je ne sais pas si c'est pour 3000 personnes ou 3000 logements. Mais ça va vite. C'est-à-dire que les cités sont des lieux extrêmement denses en termes de population et ils se relayent toute la journée. Donc c'est des petites brigades de 3 ou 4. Au début du film, je crois que c'est ça qu'ils disent, c'était 4 dans le bureau. Donc c'est difficile. Hein. On sait que grosso modo, nous, on en a répertorié à peu près 350 sur la période importante 48-70. Après, c'est comme Marion l'expliquait, le charbon changeant de fonction. Ça périclite, tout ça, ça change de nature presque. Mais à l'époque de surveillance politique, on peut estimer que dans le bassin, il y a que, entre guillemets, que entre 300 et 400. Et pourtant, il y en a un qui dit qu'il connaissait les noms de tous les gamins, les prénoms de tous les gamins. On est déjà dans la période de transition, où la mine périclite, et donc par le jeu de la guerre d'Algérie, des effets de vase, des ouvriers algériens qui partent. En Algérie, prendre le maquis et l'arrivée des Marocains. Bon, c'est dans ce contexte-là qu'il y a une surveillance sur les enfants, et notamment ceux qui font, comme ils le disent, étaient 11 à la maison et connaissaient les 11 enfants, les prénoms des 11 enfants, quoi. Et alors, une question qui, quand on travaille sur ce genre d'archives, qu'on construit finalement tout un discours autour de ce sujet, comment le film a été reçu dans les populations minières du Nord ? J'imagine que vous l'avez projeté dans le bassin du Nord, et comment les enfants, j'imagine, ou les petits-enfants ont réagi ? C'est assez intéressant au sens où ça renvoie... alors évidemment, avec ce que disait Richard, c'est-à-dire que l'enjeu de ce film a été aussi de montrer des gardes qui ne sont, des êtres inoffensifs, parce qu'ils ne le sont pas, ni des représentants d'un système totalitaire, parce que c'est quand même pas ce qu'est, ça n'est pas ce qu'est le système minier. Alors effectivement, cette volonté d'avoir un regard un petit peu équilibré a pu interroger une partie des gens, mais en même temps, dans les réactions des gens, on a bien vu d'ailleurs que ce regard équilibré, pour finir, se légitimait, parce que les souvenirs des gens sont extrêmement variables. C'est-à-dire, évidemment, suivant que vous ayez... Enfin, la simple question, suivant que vous ayez été militant ou pas, le militant cégétiste communiste n'a pas exactement le même regard que la dame qui faisait partie des ménages installés et établis. Ça a vraiment suscité des échos, et effectivement, ça alimentait cette réaction du « Ah bah oui, ils étaient là, puis c'était pas tout à fait quelque chose de normal. Ouais. Donc je pense que le film a permis à un certain nombre de gens de réveiller cette image-là et de se rendre compte, de son anormalité. C'est-à-dire que c'est effectivement, ça n'est pas. Et en même temps, les réactions des gens ont, je pense, bien reflété la pluralité des rapports aux gardes qu'on pouvait avoir, qui vont effectivement de la détestation, du je lui aurais bien cassé la figure, et d'ailleurs, à certains moments, je l'ai fait, à oui, finalement, ils étaient inoffensifs, ou ah oui, en ce temps-là, les rues étaient propres, les enfants étaient bien tenus, et c'était une espèce de police de proximité, quoi. Donc, mais c'est bien dire toute l'ambiguïté et toute la complexité du rapport des anciens, des descendants, des anciens mineurs ou de leurs descendants à la mine et au monde minier. C'est jamais des rapports simples, c'est jamais c'était le paradis ou c'était affreux. En général, c'est un complexe mélange des deux. Je voudrais juste indiquer, le jour de la première de la projection en public sur place, dans le Nord, la question se pose toujours quand on projette un film. Hein, on se demande comment la salle va réagir et s'il n'y a pas quelqu'un qui va lever le doigt à la fin pour dire « Écoutez, je suis désolé, mais l'histoire que vous me racontez n'est absolument pas la mienne. » Bon, donc ça, moi, je l'avais profondément en moi, cette peur. Et la première personne qui prend le micro nous dit « Écoutez, merci, parce qu'en fait, c'est mon histoire. » Et vous venez de me révéler, alors non pas la présence du garde, ça on a bien compris que tout le monde avait bien vu le garde, mais en fait c'était les coulisses, en fait ce qu'on ne voit pas. Et c'est le propre des archives papier, c'est aussi de compiler ce qu'en font les hommes de quelque chose qui pourrait être banal, mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données. Et donc là aussi c'était intéressant ce film, parce qu'il renvoie à d'autres situations, et pourquoi pas avec celle d'aujourd'hui. Le problème c'est pas la donnée, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Il y a un objet de surveillance qui peut paraître très anecdotique aujourd'hui. Plusieurs gardes dans le film citent surveiller en particulier les remontées de puits, ce qui pourrait expliquer qu'ils n'étaient pas que dans les cités, mais aussi sur les carreaux, sur l'obsession du vol de charbon. Ça peut paraître très étonnant, parce qu'un mineur qui ramène un sac de charbon à la maison, pourquoi ce symbole de on ne peut pas s'approprier la matière première de l'outil de travail, voilà. C'est quoi cette obsession? Il y a plusieurs témoignages dans le film sur cette idée que les mineurs sont très surveillés au remonter des puits par rapport au fait de voler du charbon. C'est un aspect qu'on a découvert, que j'ai trouvé absolument frappant d'ailleurs. C'est que c'est pas seulement du charbon, hein. Ils remontent du bois, ils remontent c'est des outils. Bon, c'est des pratiques de perruques, de qui se retrouvent d'ailleurs. Enfin, c'est des formes connues dans d'autres cultures ouvrières. Ramener du matériel qui vous appartient pas pour faire du bricolage chez vous. Des sociologues comme Florence Weber, etc., l'ont extrêmement bien montré. Oui, donc il y a. C'est une obsession parce que ça correspond à une réalité, je pense. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a dans des populations dont il faut quand même rappeler que jusqu'aux années 60, voire jusqu'aux années 70, elles ne sont pas entrées ou très peu dans la société de consommation. On est dans des modes de vie encore extrêmement peu monétarisés, etc. Effectivement, ce charbon, c'est une manière pour les mineurs, pas de se chauffer. Ce charbon, c'est une forme d'échange, notamment dans les années qui suivent la guerre, mais même longtemps après. Les mineurs, en fait, ont du charbon, ça fait partie du statut du mineur. Les houillères savent très bien doser les quantités je pense que ça se voit. Mais en fait, le charbon que les mineurs récupèrent en remontant, ils ne s'en servent pas pour eux, ils le vendent. C'est des formes de... C'est une manière, c'est une manière d'améliorer un petit peu... Ça dit beaucoup, je pense, en revanche, ça. Parce qu'on est, toujours dans cette idée que à partir de la fin des années 40 et jusqu'au milieu des années 70, arrivent les Trente Glorieuses, tout le monde est prospère et tous les Français entrent dans la société de consommation. Ce genre de pratique, ça dit d'abord une chose, ça dit que les mineurs sont encore dans des modes de vie fondés sur l'échange, le troc, et ils utilisent le charbon, je pense, pour aller en vendre un petit peu aux agriculteurs ou l'échanger avec les agriculteurs du coin, qui sont jamais très loin, pour, des légumes, de la viande. Alors, Par ailleurs, ça fait partie, les ouillères rêvent, entreprises dont elles rêvent depuis longtemps et auxquelles elles n'ont jamais abouti, ont une espèce de rêve qui est de moraliser les mineurs, c'est-à-dire de vouloir que les mineurs soient des espèces d'êtres idéaux qui n'aient jamais de pratique qu'elles jugent déviante, ni du point de vue du vol, ni du point de vue de la boisson, ni du point de vue des déviances sexuelles. C'est les trois grandes obsessions, ni du point de vue de l'achat-crédit. C'est les quatre grandes obsessions des ouillères. Donc les gardes sont chargés de moraliser les mineurs, mais la récurrence des rapports prouve qu'ils n'y arrivent absolument pas. Alors, si je peux ajouter quelque chose, les fouilles dans les puits, c'est pas seulement à la sortie, c'est aussi à l'entrée, puisqu'il y a assez vite dans le 19e, par exemple, l'interdiction d'emporter de quoi fumer au fond. Donc il faut fouiller pour vérifier s'il y a ou non de quoi fumer. Juste pour terminer, ils ne remontent effectivement pas que du charbon, mais aussi des raccourches, ce qu'ils appellent pour se chauffer. Donc là, tout bêtement, on rentre dans quelque chose de très primaire, quoi. Il faut avoir chaud à la maison. Je rappelle aussi que les Stéphanos, enfin, je ne sais pas si ça se pratiquait dans le Nord, mais des champions du grappillage sur les terrils, enfin sur les graciers. Donc il y avait aussi, on essayait de retrouver du charbon. Et la perruque, c'est quelque chose de bien connu aussi chez les ouvriers stéphanois. Alors, on va passer quand même un petit peu aux travaux que Marion Fontaine a fait, et notamment, Jean-Paul voudrait vous interroger sur le livre « Fin d'un monde ouvrier » sur la catastrophe de Liévin 1974 et le livre que vous en avez tiré. Alors déjà, pourquoi vous avez travaillé sur la catastrophe de Liévin ? C'est une bonne question. Alors, qu'est une catastrophe ? On a parlé un petit peu tout à l'heure, évidemment, hors micro, des longues litanies des catastrophes minières qui, évidemment, ne concernent pas que le Nord, mais se retrouvent depuis les catastrophes du milieu du 19e siècle jusqu'aux dernières catastrophes lorraines, depuis Simon, par exemple, dans les années 1980. Des catastrophes minières parcourent tous les bassins, certaines occasionnant des dizaines de morts, parfois des centaines, et parfois... Le seul cas qui se soit produit en France, heureusement, c'est celui de Courrières en 1906, 1099 morts. Dans cette perspective, Liévin, donc 27 décembre 1974, 42 morts, c'est... Alors, j'aime pas dire ça parce qu'il n'y a pas de petite catastrophe, hein, il y a 42 morts, c'est déjà immense, mais au moins c'est une catastrophe qui a eu pour finir, enfin qui a eu pas mal d'écho médiatique sur le moment, mais qui a été très vite oubliée. C'est-à-dire qu'il n'a pas le poids mémoriel d'une catastrophe, je le répète, comme celle de Courrières, qui est devenue en quelque sorte l'incarnation de la catastrophe minière. Alors, la catastrophe minière de Liévin, c'est en fait par hasard. C'est-à-dire que, à l'origine, je ne voulais pas travailler sur ça, mais je voulais travailler sur un fait divers qui, deux ans plus tôt... Je voulais travailler sur les mines dans les années 70, ça, je savais. Je voulais travailler sur un fait divers qui, deux ans plus tôt, avait, lui, défrayé la chronique. Et là, pas seulement à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle nationale, c'est-à-dire l'affaire de Bruyères-en-Artois. Cette affaire, pour ceux qui ont écouté les informations dans les années 70, d'une jeune fille de mineur assassinée dans des conditions jusqu'à aujourd'hui non élucidées, le fait divers s'étant transformé, notamment sous l'effet d'une politisation entreprise par de petits groupes d'extrême gauche, s'étant transformé en affaire politique et médiatique extrêmement importante. C'est une espèce d'ancêtre de l'affaire Grégory, mais beaucoup plus politisée. Donc au départ, je voulais travailler là-dessus, sauf qu'il y avait une thèse qui venait d'être faite là-dessus, donc j'ai pu travailler là-dessus. Mais en suivant un petit peu ce qui s'était passé, et notamment la carrière du juge, qui avait été en charge de l'affaire de Bruyères-en-Artois, le juge Pascal, je me suis aperçue que le hasard des tableaux des juges d'instruction avait fait qu'il avait été aussi le juge désigné pour la catastrophe de Liévin. Et j'ai commencé à chercher, je me suis rappelé aussi ce très beau passage du Promeneur du Champ de Mars, le film de Robert Guédiguian, où il raconte les derniers mois de François Mitterrand, et où Guédiguian stylise une scène qui s'est effectivement passée. Il y a des reportages de l'INA où on voit le vieux François Mitterrand, qui est vraiment... c'est un très vieil homme, malade, qui vient pour les 20 ans le 20e anniversaire de la catastrophe de Liévin en 1994, il y a un congrès du Parti Socialiste à Liévin, et il fait une espèce de discours assez renversant, un discours très germinal, c'est-à-dire où il dit « il ne faut jamais que la gauche oublie que sa famille, ce sont d'abord les ouvriers, ce sont, et ses ennemis, ce sont en gros d'abord les capitalistes ». Enfin, quand on sait ce qu'ont été les deux septennats de François Mitterrand, c'est assez amusant. Bon, tout ça pour dire que... cette catastrophe, alors elle m'a elle m'a intéressée à la fois dans ce qu'elle révélait. Ce que j'ai voulu comprendre aussi, je crois, c'est pourquoi elle avait été à ce point. Enfin, on n'avait pas réussi à en faire un événement. C'est quand même 42 morts le 27 décembre, donc en pleine trêve des confiseurs. C'est énorme. On imagine aujourd'hui ce qui se serait produit. Pourquoi cette catastrophe n'avait pas, si j'ose dire, réussi à prendre qu'est-ce qu'elle révélait à la fois qu'est-ce qu'elle révélait, mais aussi pourquoi son échec à devenir un événement symbolique et partagé à l'échelle nationale. Et vous l'interprétez comment, alors, cet échec? Je pense que c'est parce que la catastrophe arrive à la fois trop tard et trop tôt. Je m'explique. Trop tard parce que 74, alors c'est pas les dates de fermeture des puits sont toutes différentes en fonction des bassins. Les mines du Nord sont déjà, enfin il y a déjà beaucoup de puits qui sont fermés. C'est une catastrophe de fin d'exploitation, les vins. Et d'ailleurs, vraisemblablement, ces causes sont liées aux économies de bout de chandelle qui sont faites parce que les puits vont fermer dans les 3 mois. C'est aussi parce qu'en général, c'est une fin pour les mineurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible de porter le discours héroïsant ou le discours du mineur comme victime ou comme héros national. Plus personne n'y croit, le 27 décembre 1974. Donc je pense que cette catastrophe, elle arrive trop tard parce que, j'ai envie de dire, le pouvoir et la place symbolique des mineurs... On est l'année, Valéry Giscard d'Estaing a été élu, l'IVG, il y a eu mai 68, est en train de s'effriter considérablement. Trop tard parce que toute une série de formes de judiciarisation notamment et de politisation des catastrophes, aujourd'hui c'est une catastrophe industrielle, environnementale, ne sont pas encore au point. Les associations de victimes, l'idée de porter ça sur le plan judiciaire, les instruments juridiques même, c'est-à-dire l'idée de qu'il revient aux chefs d'entreprise de mettre en œuvre un principe de précaution, c'est-à-dire que si une catastrophe arrive, ils doivent prouver qu'ils ont tout fait pour ne pas qu'elle advienne, tout ça n'existe pas. Donc cette catastrophe, je pense que dans les années 80 ou 90, elle aurait potentiellement eu plus d'impact, et au moins sur le plan judiciaire, elle ne se serait pas terminée comme ça. C'est-à-dire que là, les mineurs auraient eu... beaucoup plus gain de cause que ce qu'ils ont eu, et le jugement aurait été infiniment plus sévère pour les charbonnages de France. Mais c'est une catastrophe de transition. Mais en même temps, je reviens à ce que disait Richard sur... que vous fassiez un documentaire ou un livre, quand vous faites un documentaire ou un livre sur le temps présent, effectivement, vous avez toujours cette petite appréhension quand vous le sortez de comment vont réagir les individus. Et là... je ne parle pas évidemment des mineurs décédés, mais je parle de leurs veuves, qui pour une grande partie d'entre elles, elles étaient assez jeunes en 1974, ont 70 ans. Et ça a été intéressant parce que j'ai entendu des enfants ou des veuves me dire « oui, c'est bien qu'on en ait fait un livre ». Comme si ça permettait d'en parler, de fixer la mémoire. Et alors surtout, un an après, il y a eu un autre... Il y a eu là une autre résonance. C'est-à-dire que le romancier Sorcha Chalandon en a fait un roman. Et cette double reconnaissance historienne et romancière, je pense, a été importante pour les veuves et pour les enfants des victimes. Et donc, il y a eu des commémorations de la catastrophe de Liévin. Donc, comment vous résumeriez ces commémorations? Quel intérêt ont-elles ou pas? Aujourd'hui, elles ont un intérêt avant tout local. C'est-à-dire que, sauf moment très particulier, alors en 94, mais parce que on voit bien, on voit bien pourquoi ces commémorations, elles ont un intérêt en 94. Ce sont les 20 ans, mais c'est aussi un moment où les mines achèvent de disparaître. C'est l'année de la signature du pacte charbonnier. Donc les mines sont en voie d'achèvement. C'est aussi un moment où la gauche, les gauches se prennent de plein fouet. Une question qui n'a pas fini de faire couler d'encre, c'est-à-dire la question de leur rapport à l'identité ouvrière sur laquelle elles se sont d'abord longtemps fondées. Donc ça a été important en 1994. Ça a été un peu important en 2014 pour les 40 ans de la catastrophe, où il y a eu une petite présence nationale, effectivement une réflexion. Mais on voit très largement à quel point cet événement aujourd'hui... il est très largement incompréhensible au sens propre du terme, parce qu'il renvoie des... à des types de systèmes industriels, à des types d'accidents, etc., qui aujourd'hui seraient considérés, du moins en Occident, hein, parce que ailleurs, tout ça est très bien. En Chine, au Pérou, tout ça continue à se passer de la même manière, sont devenus aujourd'hui proprement inadmissibles pour nos sociétés. Je ne dis pas que nos sociétés refusent l'idée qu'on meure au travail, mais du moins, elles ne veulent plus qu'on meure au travail d'une manière aussi spectaculaire. Bien, on va peut-être clore l'émission. Simplement, il y a un autre livre que vous avez écrit, mais on n'aura pas le temps d'en parler. C'est un peu le livre qui est extrait de votre, tiré de votre thèse, hein, Le Racing Club de Lens et les Gueules Noires. Et alors, comme on est à Saint-Étienne, c'est incontournable de parler un petit peu de football. Même si c'est pas ma tasse de thé, j'avais plein de questions à poser, mais moi j'ai été très intéressé par, du coup je me suis intéressé au football effectivement, par quelque chose qui ressort dans la première partie, c'est que finalement le foot c'est pas un sport ouvrier. Le foot, au départ, ça n'est pas un sport ouvrier. Ouais. Non, c'est une invention des public schools britanniques, donc lycées privés, des écoles privées britanniques. Et au départ, c'est plutôt un sport de classe moyenne. Mais comme ici, moi, ce qui m'intéresse, si je compare Lens et Saint-Etienne, c'est-à-dire sur quand vous regardez ces villes ou ces ensembles de l'extérieur, on a l'impression que tout ça est homogène, donc que tout ça est ouvrier, tout ça est mineur. Sauf que vous m'avez bien expliqué qu'il y a des différences. Il y a un Saint-Etienne, mais il y a une part minière dans la région stéphanoise. Il y a une part qui ne l'est pas. À Lens, en fait, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que les banlieues lensoises sont ouvrières et le centre-ville de Lens, c'est un centre, c'est le centre commercial, c'est un petit peu un centre, le centre petit bourgeois du bassin minier. Donc à l'origine, le Racing Club de Lens de 1906, c'est le sport des classes moyennes du centre-ville de Lens. Toute l'histoire est de savoir comment ce club... c'est ça, ce club bourgeois devient peu à peu d'abord le jouet de la compagnie minière de Lens, puis du groupe des ouvriers nationalisés, mais aussi l'objet de l'attention et de l'enthousiasme des mineurs. Voilà. Alors il y a quelque chose, effectivement, si on compare à Saint-Etienne, nous c'est quand même l'entreprise Casino qui a créé le club et le stade. Il y a quelque chose qui j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est comment le football s'est... Et ça va nous ramener un petit peu au film, hein, comment le football s'est développé dans les milieux ouvriers par ce que vous appelez cette territorialisation à l'intérieur des cités minières, l'envahissement des rues par les footballeurs, l'envahissement des zones gazonnées. Et ça, j'ai trouvé super intéressant. C'est une forme d'appropriation, ce qui est intéressant. Enfin, il y a eu des débats pour savoir est-ce que le Racing Club de Lens était l'expression du patronat minier ou est-ce qu'il était l'expression de la pure passion des mineurs. Bon, comme très souvent, c'est les deux. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment un objet patronal, et qu'il a aussi, comme les gardes, dont il est étonnant de constater qu'une entreprise nationalisée a quand même géré un club de football professionnel pendant 50 ans, sans que ça embête personne. Comment cet objet patronal a en même temps été approprié et est devenu aussi un objet d'affirmation d'une identité ouvrière. Et effectivement, ça passe par le club de foot professionnel, mais ça passe par ces pratiques qui, comme aujourd'hui d'ailleurs, les premières formes d'appropriation et de démocratisation du sport, elles ne passent pas toujours, et pas souvent d'ailleurs, par ces formes institutionnalisées. Elle lui échappe. Alors il y a le rôle des houillères, du patronat qui s'approprie cette entreprise nationalisée. Et il y a l'épisode quand même assez fameux où on voit Auguste Lecoeur aller réclamer justice pour le club relégué en deuxième division. Auguste Lecoeur, qui est maire communiste de Lens de 1945 à 1947. Ah mais je pense que les communistes du Nord-Pas-de-Calais ont, à mon avis, les communistes ont un rapport au sport très singulier et que qu'il s'agisse du Tour de France ou du football, l'ont bien connu et l'ont porté médiatiquement pendant très longtemps, hein, par l'humanité ou par le biais des miroirs. Et les communistes du Nord-Pas-de-Calais, oui. Ce sont eux, après tout, qui, dans leur journal sportif en 1945, inventent cette idée d'un style lensois, d'un supporterisme lensois. Et c'est quand même un grand paradoxe de voir ce club patronal être aussi, et parfois en même temps, l'objet de l'attention et de l'enthousiasme des militants communistes. Puisque nous en sommes venus au football dans le monde des mineurs, écoutons pour finir les supporters du RC Lens chantant avec Pierre Bachelet « Au Nord, c'était les corons ». Thank you.